matin, on a le plaisir, l'honneur, je ne sais pas qu'on dit qu'on a le plaisir, il faut ajouter l'honneur qui est réel en plus, d'avoir parmi nous Sandra Hermans, dont vous avez vu, vous allez voir pour ceux qui n'ont pas entendu le film La Mazda et sa sainteté, Baya Bencher El-Beroun. Béchir Le Gaulle. Béchir Le Gaulle, d'accord. Faut avaler un peu. Voilà. J'ai beau aller en Algérie quatre fois par an depuis six ans. Il y a des lacunes. Je ne parle ni l'anglais, ni l'allemand, ni l'espagnol, ni l'italien, il n'y a pas de raison que je parle arabe. Ni russe, ni chinois. Un vrai français. Dans le. Quand même, c'est mon grand frère. Oui, mais c'est dire bonjour. Malgré. Azoul. Voilà, on parle nous, on parle tamazir. Ah oui. Voilà. Donc, quand on a vu hier soir Fragment de rêve, et puis Nicole Fauté. Hélène. C'est la première d'un début parce que je n'ai aucune mémoire d'aucun nom propre, donc c'est une catastrophe permanente. Et je m'excuse. Hélène Poté, dont on a vu Le Verrou, réalisé avec, alors je ne dirais pas qui, Shaibi. Leïla Sheikh. Bon, c'est dit. Alors, de tradition, on commence toujours par le court-métrage. De peur qu'on ne lui accorde pas suffisamment l'importance qu'il mérite. Et donc le film de Sandra, je pense que qui l'a vu ? Oui, la majorité des gens, largement. Bon. Donc c'est un film, je trouve, exceptionnel de beauté, d'intensité et d'émotion. Et. Alors, je pense que je n'étais pas à la séance hier, donc beaucoup de choses ont dû se dire dans le débat. Le choix, bon, ce qui frappe évidemment, c'est le choix de la forme, et ce début du film noir, il a une image, pas d'image, et puis au bout de peut-être deux minutes ou une minute et demie, apparaissent des images en couleur, et on entre dans le récit qui est dit par Sandra, et ensuite qui lit les lettres de son père à sa sainteté, puisque, pour ceux qui n'ont pas vu le film, son père était un missionnaire au Rwanda qui a, après un certain nombre d'années d'activité de missionnaire, est tombé amoureux d'une Rwandaise qu'il a demandé en mariage, qu'il a épousée, et dont Sandra est la fille. Et il demande à sa sainteté, le pape, de lui accorder, je ne sais pas quel est le terme. C'est une dérogation. Non, c'est un autre mot dans le film. Dispensation. Bon. Dispensation. Pour qu'il puisse être maintenu comme militant simple de l'Église catholique. Et puis intervient également, je parle toujours des paroles, la parole de la mère qui raconte comment ça s'est passé, c'est même assez amusant. Enfin. Et pendant tout ce moment de parole, on a des images de l'archive familiale. On voit M. Hermans, on voit sa femme, on voit les enfants, etc. Et ça se termine par un échange entre le père et Sandra et son père, alors qu'elle est toute jeune, et qui s'inquiète un peu de... comment dire, de, pas d'absence, mais du fait que il y a un écart entre ce qu'elle ressent, etc. Et son père lui dit, c'est l'espace de la pensée. Hein, je crois que c'est ça. Et ces paroles ne sont pas dites, puisque le père est mort, Et donc, on ne l'a pas reconstitué. Et c'est les paroles qui sont affichées à droite et à gauche de l'écran. Donc, l'écran noir. Donc, ce qui est formidable, c'est que, avec aucune image, si les images finales ont été tournées, qui sont de nocturnes et donc sans spécification très forte, ce qui est formidable, c'est l'usage de tout ce qui peut donner parole et image à une histoire qui ne peut pas être racontée, je pense, autrement qu'elle ne l'a été, avec une force et une discrétion totale. Alors, je ne sais pas, les questions qui ont déjà été posées hier, peut-être, je ne voudrais pas qu'on... Moi, ma question, c'est ce choix. Mais ça, c'était, vous l'avez déjà dit hier. Mais tout le monde n'y était pas. Bon. Alors, ce choix de toutes ces formes, dans leur succession, à partir du blanc, du noir et de l'image. Enfin, du noir, pas d'image. C'est des images, c'est des photos. Oui. Oui, c'est des photos, absolument. Donc, le choix de la forme. Le choix de la forme, en fait, c'est assez, pour faire le film, ça a été assez difficile émotionnellement pour moi-même. Parce que finalement, le couple de mes parents touche à différents thèmes qui pourraient très vite être interprétés comme des choses assez... voilà. J'aurais pu portraiter mon père ou ma mère de... Voilà, assez mal. Voilà. Finalement, mon père est un peu plus âgé que ma mère, etc. Il y a pas mal d'histoires voilà, qui... du post-colonialisme maintenant. Fort, ah oui, oui, oui. Mais voilà, je voulais juste dire que le choix de la forme a été... Voilà, j'ai fait ce choix-là pour être le plus honnête et le plus vrai possible. Et de vraiment... j'ai juste fait ce que je sentais, qui était juste. Et je pense que c'est seulement là que j'ai... Voilà, c'est... J'ai essayé de, au plus que possible, raconter une histoire qui est juste une histoire de deux êtres humains qui se rencontrent. Et aussi en... Voilà. Aussi l'image noire et le silence, je trouve que ce sont deux formes très puissantes et ce sont des choses que j'ai utilisées dans le film pour finalement mettre une image sur une absence. Et finalement cette image-là, l'image du noir, est assez symbolique de beaucoup de choses. Hein, le noir du deuil, le noir de l'absence, le noir du non-image, le noir qu'on doit combler. Voilà, c'est un peu ça. Ah oui. Ça fait penser dans la musique le silence. Mm-hmm. Dans une partition, le moment où il y a du silence acquiert aussi une force et un sens. Et là, dans le film, c'est l'évidence absolue. Quoi. Oui, parce que les images qu'au début je mets ont de la force grâce aux images noires que je mets après. Et finalement, je faisais la réflexion quand on marche dans la rue au quotidien, on voit beaucoup d'images. Et finalement, on ferme nos yeux de temps en temps pour pouvoir gérer les images qu'on voit. Et c'est en fait de là l'inspiration que j'ai écrit le début. Hein. Il y avait aussi un livre que j'étais en train de lire à l'époque de Roland Barthes. Il avait écrit un livre sur la recherche des images, les photos de sa mère, en fait. Et les photos qui, en fait, reflétaient l'âme de sa mère. Dans la chambre claire. Oui. La chambre claire de Roland Barthes. Justement, ça aurait été ma question sur cette idée-là de vous. Allez-y, madame. Comment vous avez utilisé, si on peut dire, le travail de Barthes dans la chambre claire, justement, sur ce qu'il dit, le tum-tum. Et voilà. Parce que c'est très clair dans votre écriture, hein, et c'est très riche aussi la façon dont vous vous emparez de ça. Si vous étiez en train d'en parler, donc juste. Oui. Voilà. Non, tout à fait. En fait. Roland Barthes avait écrit un livre sur, après le décès de sa mère, il était en train de regarder beaucoup de photos et il essayait de trouver la photo qui résumait les mots, l'atmosphère, la personnalité de Saul, comment on dit en français. C'est le punctum, c'est-à-dire ce par quoi la photo, le point, c'est ce qu'il disait. Oui. C'est-à-dire latin au plus intime de lui. Oui, oui, tout donc à fait. C'est très beau que vous ayez utilisé ce travail. Oui, voilà, mais donc il m'a beaucoup inspiré. Dans le choix des photos. Oui, dans le choix des photos, etc. Et aussi, il avait écrit un livre, Fragment d'un discours amoureux. Oui. Et donc là, je m'étais aussi un peu, j'avais feuilleté dedans parce qu'il parle des. Il parle aussi de l'autre, être amoureux, etc. Et le fragment que j'utilise vient de fragments de discours amoureux, en fait. C'était un peu une allusion vers l'histoire d'amour, en fait, improbable entre mes parents. C'était un peu ça. Et aussi la forme, c'est pas une histoire que j'ai entendu dire par une connaissance, c'est mon histoire. Donc je pensais, si moi je la lis, ça rend l'histoire, voilà, ça apporte de la force à cette histoire-là. Et c'est une histoire honnête, qui est pas, voilà. Ouais, c'est un peu ça. Oui, oui, non mais c'est tout à fait ça. Comment, enfin, on en parlait ce matin parce qu'il y a un groupe à la maison que je subis qui m'empêche de coucher avant 1h du matin. Bref, et donc l'une des membres de ce groupe. Que je ne désignerai pas, n'est-ce pas ? Que je ne désignerai pas, disait. La question était posée deux fois, ou une fois, parce qu'il y a eu deux lettres au Saint-Père. Et est-ce qu'il y a eu une réponse ? Et est-ce que c'est important ou ça n'a pas d'importance ? Si ce n'est pas dit, c'est que pour vous, ça n'a pas d'importance, cette réponse. Non, pour moi, en fait, ça n'avait pas vraiment d'importance. C'était plus la démarche. Et c'est la démarche qui m'avait touchée, parce que finalement, quand voilà, mon père m'a élevée, on n'a pas vraiment parlé. Voilà, moi, j'avais autre chose à faire de ma vie, de parler. Hein, mais tiens, prêtre. C'était de temps en temps que je me disais, ah, mais tiens, en fait, sur ces photos, t'étais un prêtre avant. Et alors, il me répondait, oui, mais voilà, maintenant, je suis ton père, ah, ok. Seulement maintenant, en devenant adulte et me reposant ces questions-là, que là, ces lettres, quand j'ai essayé, ça m'avait un peu touchée parce que je m'étais dit, ah, mais donc, t'as dû, en fait, demander la permission qu'on existe. Mais c'était un peu ça. Ah oui. Et là, j'avais un peu ressenti un peu un choix très personnel que mon père avait fait. Et c'est là que j'avais fait remarquer le courage qu'il a eu de faire ça, parce que finalement, c'était pas du tout facile à cette époque, le regard des autres, de sa famille. La société, c'est aussi un grand tabou. Ouais. Mm. Et aussi un peu la culpabilité que j'ai un peu sentie chez lui d'avoir quelque part un peu trahi son atmosphère, voilà, le lieu dont il venait. Et c'était ça qui, dans la lettre, me touchait. Hein. Voilà, finalement, il a reçu une réponse, mais on était déjà allés. Ouais, voilà, donc voilà, on a été. Et la réponse était positive. Oui. Voilà. Ah bah comme quoi, sa sainteté est tout de même pas complètement... À côté de la plaque. Oui, bon, mais voilà, donc finalement, nous-mêmes, on était régularisés devant l'église, on a pu être baptisés, il faut faire les copies, etc. C'est pour ça que c'était important. Oui, et en même temps, ça... En même temps, je trouve que c'est très très honnête, une démarche très honnête, donc ça libère beaucoup de choses. Ça apaise beaucoup de choses aussi, et je trouve que ça... Le processus va jusqu'au bout, et pour la famille, l'épouse, les enfants, c'est très important. Enfin, je trouve que c'est quelque chose qui assainit énormément les choses, d'avoir fait ce courrier, d'avoir réponse ou pas réponse, mais c'est une démarche très honnête. Oui, et d'être en règle en fait, voilà, avec l'Église, et aussi d'avoir... Et avec lui-même. Oui, tout à fait. Et aussi, moi-même, j'ai eu une éducation chrétienne, qu'on aurait pu avoir cette éducation de manière tout à fait normale, et qu'on ait des personnes, voilà, des chrétiens tout à fait réguliers dans les règles de l'Église. J'aurais voulu revenir sur le titre, parce que je trouve que... Il est formidable. Oui, il est extraordinaire. Et à la fois, il rend bien compte de la forme du film. Je pense que c'est... Il reste mystérieux et il est très courageux aussi. Parce que c'est pas possible un titre comme ça. ça ne fait pas un blockbuster, non? Oui, tu vois, c'est étrange quand même. Le titre, c'est La Mazda jaune et sa sainteté. Il y a effectivement à un moment une photo en couleur où on voit une voiture avec la mère, avec votre mère qui est sur cette photo. Donc c'est, on peut imaginer. Et c'est ça que je trouve formidable dans ce film, c'est que il y a juste cette photo que on n'aurait peut-être pas remarqué si c'était pas dans le titre. Et cette photo dit immensément de choses de votre mère, je trouve. Ah oui. Et qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce qu'elle Je trouve qu'il y a quelque chose de... Parce que comme il y a la Mazda jaune et sa sainteté, que clairement sa sainteté c'est lié au père. Mm-hmm. Hein. Donc on se dit, la Mazda jaune, il y a une photo avec la mère, et la Mazda jaune c'est le père et la mère. En fait, voilà. Donc on s'attache à voir cette photo parce que le titre y fait référence. Et que, puisque le titre, il est en deux parties et qu'il y en a une, c'est le père, on se dit, c'est donc très important par rapport à la mère. Non. Donc, on se met à imaginer. Non, ben, enfin, je sais pas. Et donc, on imagine le bonheur, puisqu'il y a ce récit où cette jeune femme est au bord de la rivière, en train de faire, et que cet homme arrive, et qu'elle se trouve... Et le récit est très beau parce qu'on ne dit jamais... À quel moment et pourquoi il a voulu aller chez les parents, pas du tout pour elle, a priori, mais on n'en sait rien. Et que tout d'un coup, elle se retrouve mariée avec cet homme, et cette tache jaune et cette voiture, on imagine bien que pour cette jeune femme, c'était, je ne sais pas... Oui, mais en fait, cette photo, je l'ai un fait... Un rêve, pour reprendre un autre terme. Mais j'ai très fort... Comme un cadeau de Noël, quoi. Oui, mais non, mais je trouve ça très intéressant d'écouter ça, parce que j'ai très fort réfléchi aux photos que je choisis. Et un des choses qui m'avait un peu travaillé pendant le film, c'est que j'ai pas envie de mettre ma mère ou portraiter ma mère en tant que personne passive, qui finalement rencontre un blanc, et qui rencontre quelqu'un. Finalement, elle aussi, elle a elle est pas seulement passive, due à l'union, elle est aussi, elle a un statut social qu'elle a été élevée. Non, ce sont des contextes au Rwanda qui sont tout à fait vrais. Et voilà, donc elle avait tout, voilà aussi une voiture, etc. Mais ils étaient aussi amoureux, voilà. Mais je voulais pas seulement mettre des photos passives d'elle, qu'elle tombe enceinte et qu'elle accouche. Ouais. Aussi des photos d'une femme professionnelle qui fait ses choses et qui a une voiture et qui va rouler. Et voilà. Oui. Professionnelle. Oui. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle a un peu travaillé à l'Institut français, l'Institut culturel, mais c'était à Rwenguéri à l'époque. Il y avait une université là-bas, je ne sais pas si vous connaissez le Rwanda. Voilà, donc là, le village, voilà où mon père était aussi un historien qui donnait cours d'histoire à l'Université du Rwanda. Et en fait, c'est pour ça qu'il faisait des recherches par rapport à l'histoire. Et ma mère, elle a un peu de sang arabe, en fait, et elle avait l'air un peu différente. Elle dit ça dans le film, il m'a parlé parce que j'avais l'air différent. Et mon père il a posé des questions, mais tiens, comment ça se fait, etc. Comme un historien anthropologue belge blanc, qui pose des questions assez explicites. Et voilà, donc c'est pour ça, et au fur et à mesure, voilà, il y a une relation qui s'est construite. Aussi, ma mère, qu'elle raconte, c'est pas un style narratif d'un point de vue occidental qu'elle raconte ça. Elle raconte tout simplement comment elle a vécu dans son souvenir, mais... Dans les faits concrets, c'est pas que mon père passait chaque mercredi avec. Et j'aimais bien en fait ces deux réalités qui se côtoient aussi dans le film. Et en fait, le titre, je l'ai choisi parce que je voulais pas ajouter de la lourdeur à cette histoire. C'est en fait, voilà, je voulais juste enlever toute la lourdeur. J'aurais pu mettre des mots très lourds sur histoire d'amour. Je ne sais pas quoi, que les gens rentrent dans la salle, oui, mais là, ça va être un film très lourd. Voilà, en fait, c'est un titre qui, deux personnes, deux différents qui se rencontrent, et deux mots, hop, les claques que je mets ensemble. Et ça reflète aussi la liberté totale que j'ai eue avec ce film. C'était en autoproduction, donc j'ai pu faire ce que je voulais. Et c'était ça aussi que je trouvais important, un premier film, qu'il n'y a personne qui me dise, ah oui, mais non, tiens, tu devrais faire comme ça ou comme ça. Le seul conseil que j'ai eu, c'était d'un un prof de l'INSAS qui disait « Oui, mais quand ta mère parle, tu devrais changer ça par une autre femme qui parle avec un vrai accent africain. » C'est pas vrai. Et là, je me suis dit... Les stéréotypes, ça marche. Ouais, là je me suis dit, mais tiens, voilà, peut-être que j'ai pas besoin de conseils. Donc voilà. Mais donc ça c'était quelque part quelque chose que je me suis. Ça m'a libérée du coup. Oui, ça m'a libérée, mais ça m'a donné envie de juste faire les choses que j'avais envie de faire, de faire un titre que j'avais envie de faire, même si le titre finalement c'est risqué. Voilà. Finalement, mais voilà. Mais finalement ça marchait. Moi, ce que j'ai trouvé justement très intéressant, c'est que... Peut-être un peu plus fort pour oui, derrière. Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que ça soit on démarre par la parole de la mère, ouais. Et de la mère qui parle de... On a invité, en fait. On l'a invité chez nous. Mmh. Ce qui, justement, met de suite à la porte toute perception que ça pourrait être lui qui était dans une situation supérieure. Oui. Là, voilà, on l'invite... Ça se passe bien, on le réinvite. On ne sait pas ce qui s'est passé avant, on sait bien qu'il s'est passé des choses avant, mais peu importe. Ce qui monte, c'est comment il a dit là. Et moi, ce que j'ai perçu dans les lettres, au-delà de vouloir être dans. Effectivement, que les choses soient claires, et qu'elles soient claires, et que chacun retrouve sa place et soit reconnu dans sa place, c'est moi, j'avais la sensation aussi qu'on voyait aussi ce déchirement. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a fait un choix, qu'il a assumé. Mais en renonçant à quelque chose auquel il tenait. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression que c'est quelqu'un, ça y est, il passe à autre chose. Vraiment, il y a l'affirmation des choix qu'il vient de faire, mais tout en affirmant que les choix antérieurs, c'est des choix qui lui tenaient à cœur et qui lui tiennent toujours à cœur. C'est pas un renouement. Ils tiennent toujours. Et je trouve ça très, très fort. Non, mais ça m'a fait plaisir que vous me dites ça. Parce que j'ai un peu réfléchi, est-ce que je vais lire ces lettres, oui ou non, hein, parce que ce sont des choses assez personnelles. Mais après, comme mon père est décédé en 2014, j'avais vraiment eu un sentiment, mais non, mais je voudrais mettre son... je voudrais que les gens sachent le courage que tu as eu, en fait. Et je voulais lui donner un hommage. Et ça, c'est un truc qui m'avait un peu brisé le cœur, c'était que... J'aimais pas le fait qu'il se sentait coupable par rapport à ça, ou une culpabilité quelque part qui devait pas être là, mais que je sentais un peu chez lui. Et c'est pour ça qu'à la fin, j'ai mis c'était un père aimant, un père exemplaire, c'était un mari aimant, il avait fait un bon choix. Voilà, c'est ça que je voulais mettre. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, en fait, c'est aussi un truc dans le film, moi en grandissant, majoritairement en Belgique, j'ai vu déjà beaucoup de films qui affirment quand même beaucoup de stéréotypes sur la femme africaine passive. Au Rwanda, il y a certaines réalités, il y a beaucoup de situations assez néocolonialistes, il y a beaucoup de stéréotypes que j'aurais pu mettre dans le film que j'ai essayé d'enlever. Hein, parce que je sais à quel point ça peut être sensible et à quel point il y a quand même eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de films un peu stéréotypés. Ouais. Et maintenant, on arrive un peu à un point où ça commence à être un peu ennuyant. Ouais. C'est pour ça que j'ai beaucoup réfléchi comment je mets les choses et pourquoi. Ouais. Et la diffusion de votre film, vous avez la possibilité de le diffuser facilement et de... En fait, pour moi, ça a été un peu une surprise parce que c'est un premier film en autoproduction. Je le fais, j'étais tout à fait libre et je pensais, mais oui, voilà. J'avais un peu la crainte, mais oui, c'est un peu une histoire tendance, oui, la petite fille métisse qui parle de son père missionnaire. Voilà, c'est une histoire qui est un peu dans les... pour l'instant, je m'étais dit, mais il ne va pas être pris, ça n'intéresse personne. Mais finalement, il a été pris dans différents festivals, il fait un peu le tour de l'Europe pour l'instant. À Rotterdam. Il a été pris et d'entrée à Rotterdam, qui est le grand festival documentaire d'Europe. Même plus que le FI de Marseille, dont je suis l'administrateur Mais donc, il fait un peu le tour, et il tourne quand même en festival. Ça m'étonne un peu. Cette histoire résonne chez différentes personnes et ce qui me touche le plus, c'est que les gens ne sortent pas de la salle en pensant bien pour eux, mais qu'ils sortent de la salle en réfléchissant, ça me fait penser à moi-même, ou ça me fait penser à tel. Et ça, j'aime bien, parce que c'était le but du film, c'est de toucher un peu l'universalité. Et voilà. Est-ce qu'il y a encore une question? Plus fort. Il n'y a que des images pendant les 95% du film, et juste le dernier, tu c'est des images au départ fixes, oui. Et bien, juste au dernier moment, c'est des images animées. Et vous vous demandez pourquoi ce choix-là? Mais en fait, c'est en lien avec la conversation que j'ai à la fin avec mon père. Hein. Donc, et ça, je voulais aussi dire, là, ça me touche quand quelqu'un parle du film et qui analyse le film, et je suis juste à côté, je me dis, oh, mais tiens, ok. Et en fait, moi, je voulais mettre, pour moi, la distance était plus le moment de création artistique. Et ça, c'est un truc que je remarque beaucoup chez l'artiste ou chez les réalisateurs, le petit moment qu'on a, qu'on se dit, mais hein, tiens, mais qu'est-ce qui se passe? Et que là, ça commence à être un peu une obsession. Et c'est là la distance de pensée. Voilà, ça, c'est ça, en fait, ce que je voulais mettre dans le dialogue. Et là, la distance entre moi et le Rwanda, en fait, c'est ça qu'on voit dans cette image filmée à la fin. Ouais. Ouais, voilà, c'est moi dans la voiture, en fait, de mon frère, et je filme. Et après, on voit le Rwanda à Kigali, en fait, en soirée. Ouais. Oui, c'est une image de départ, de toute manière. Oui. Parce qu'avec le mouvement, la nuit, que c'est un peu flou, etc. Donc, on va passer ailleurs, quoi. Oui. Bon, ben, Sandra, vous pourrez réintervenir dans la discussion à tout moment et même dire, oh, j'ai oublié de parler de mon film là-dessus, aucun problème, je pense que vos camarades s'en choqueront pas. Et je viens maintenant vers Baya, je dis plus le nom complet, parce que malgré sa gentillesse qui chaque fois me dit c'est bien, mais non. Alors, comme j'étais dans la salle hier pour le débat, donc je ne peux pas dire, je ne sais pas ce qui s'est dit dans la discussion, et je ne vais pas reprendre. J'avais une question qui n'est pas fondamentale, mais tout de même qui m'intéresse. C'est, vous avez choisi, ou tu as choisi finalement, hein. Hier c'était vous, mais maintenant on peut... D'accord. Tu as choisi des personnes et c'est très typé. Le supporter, c'est un certain milieu social, mais ce n'est pas la question du milieu social, c'est plutôt la question de la jeunesse, de la pratique de groupe de supporters actifs. Et Dieu sait qu'en Algérie, les matchs de foot, c'est un problème aussi parce que les supporters sont souvent hyper actifs, mais il n'y a pas qu'en Algérie. Non, c'est parce qu'il y a eu pas mal d'accidents. Il y en a eu. Bon, et qui tient une parole d'une révolte, pas primaire, mais fondamentale, enfin, absolue, quoi. Dans des termes qui, finalement, sont très forts, alors que c'est pas du tout, évidemment, un intellectuel, ou etc., mais c'est très fort. Ensuite, il y a le poète dont le statut dans les médias n'est pas clair. Je dirais que c'est un chroniqueur, c'est pas un journaliste. Il était journaliste, mais comme il a été marginalisé, ben, il s'est retrouvé à faire ses petites chroniques. Il a été directeur de journal et de radio pendant longtemps, mais à chaque fois, il a été marginalisé. Du coup, là, il se suffisait de sa petite chronique et puis c'était histoire d'accord, d'avoir ouais. un salaire. Et puis... D'accord. Et puis, je laisse de côté Dao Gerbal qui intervient dans un statut différent. Et le dernier, Tahar, le chômeur de Wardla et l'organisateur des mouvements de protestation et de révolte de Wardla. Alors, c'est un choix... que tu as fait par rapport à d'autres possibilités, c'était pourquoi Alors, en fait, ce qu'il faut dire d'abord, c'est qu'au début, c'était un texte, hein, ce film. À aucun moment, j'ai pensé en faire un film. C'est juste que j'ai tenu moi-même une espèce de chronique pendant toute cette période où je feuilletais les journaux, j'étais sur Internet. Et comme c'était des personnes, soit qui revenaient régulièrement dans l'actualité, ou bien, voilà, pour Adel, par exemple, le poète, j'étais juste surprise par cet homme qui faisait la grève de la vie. Je me suis dit, c'est quand même assez étrange de se mettre en grève de la vie. Et du coup, j'ai été le voir pour qu'il m'explique un peu ce que c'était que cette grève de la vie. Et, mais en fait, c'était simplement des gens qui m'avaient touchée, vraiment. Parce que, voilà, tout en tenant cette chronique, c'était des personnes qui revenaient. Et puis, dont le discours vraiment me touchait très profondément. Maintenant, pour revenir à Atar, qui est le premier, qui est un jeune à l'époque, il avait 22-23 ans. qu'il faut savoir, c'est que dans les stades actuellement, les chants qui sont scandés sont d'un niveau politique assez impressionnant. C'est des gamins qui vont pas à l'école, qui ont 16, 17 ans, 24 ans, mais qui ont de réelles revendications. Et puis c'est quand même toujours impressionnant quand c'est tout un stade qui va chanter quelque chose, d'aussi. Moi, en tout cas, ça ne me laisse jamais indifférente. Et du coup, t'as ce gamin qui avait presque 1 million de vues sur YouTube, c'était assez impressionnant. Ah oui? Ah oui, oui. C'était pas rien à lui, c'était quand même un gros phénomène. Et du coup, je discute avec lui. Moi, j'ai 40 ans, j'ai quand même fait l'école. Bon, je suis quand même issue d'un milieu, on va dire, plus ou moins politisé. Et on était pratiquement au même niveau de réflexion. Ça m'avait quand même assez impressionnée. Après, ce qui est dommage, c'est qu'on ne comprenait pas la langue, mais il a une langue extrêmement riche. C'est juste que ce garçon, quand il s'exprime, c'est à la limite de la poésie. Je trouvais ça très, très fort. Il a des punchlines qui lui viennent comme ça, naturellement. Et ce que j'aimais chez lui, justement, c'est ce côté brut. Voilà, primaire, basique. Lui, tout ce qu'il voulait, c'était sortir, manifester. Et puis la liberté. C'est tout ce qu'il attendait. Il voulait être une marche d'escalier. Exactement, oui, c'est le premier. C'est le premier, celui qui brûle sa carte d'électeur. Il faut en parler un peu, l'image. Voilà, exactement. Parce qu'en fait, dans toutes ses vidéos, il est sur des marches. Ah ouais. C'est pour ça que j'ai gardé cette même image. À chaque fois, il est par terre et il se fait filmer par des copains. Lui, il postait ça régulièrement. L'image va avec le discours. Hein. C'est très important. Donc, honnêtement, lui, il m'avait vraiment bouleversée dans ça. Dahoud Djerbal, en fait, je l'ai rencontré pendant les repérages. Donc, il est historien, c'est un intellectuel et tout. Je lui avais proposé mon texte et on avait parlé. Je lui ai dit, est-ce que je peux filmer? Mais bon, la caméra était posée là. C'est pour ça que, de toute façon, c'est même pas la même qualité. Et j'ai gardé ce moment-là où vraiment j'ai trouvé que c'était très beau comme définition, cette définition de la révolution qui disait tout le film en fait. Oui, c'est vraiment indispensable qu'un Algérien dise ça. Voilà, c'est-à-dire que d'ailleurs c'est un moment très apaisant, moi qui me fait du bien, dès qu'il arrive avec son sourire et tout, moi je suis bien à ce moment-là du film. Et après, oui, parce qu'il a toujours un sourire. Pas ironique, mais il y a un petit peu de ça en même temps, et même temps plein de... Je l'ai trouvé beaucoup plus dans la tendresse que dans l'ironie, il a me dire, bon, viens ici, toi, tu n'as pas fait l'école. Non, franchement, c'était... Après, les autres personnages, bon, le plus proche de moi, c'était Adel, mais parce que lui est seul, et je crois que c'est le... Adel, c'est le chroniqueur. C'est le poète, hein, c'est le... Parce que quand on est un intellectuel, on est seul. On n'est pas dans un stade avec des milliers de personnes. On n'est pas dans un mouvement de médecins où on est des milliers. On n'est pas des chômeurs. Lui, il est seul face à sa responsabilité, face à ses écrits, face à sa pensée, face à sa production. Et en même temps, il était presque... Enfin, il était dans une démarche suicidaire. Et même au moment où je l'ai filmé, il était... Et ça se voit. Et la tombe, il ne sent pas. La tombe, voilà, exactement. Il enterre sa poésie. Il enterre aussi ses projets. Il était dans des questions existentielles. Pourquoi écrire, pour qui écrire, et où va ma vie, et qu'est-ce que je fais ici. Mais en même temps, il dit des choses tellement vraies sur tout ce que peut être la propagande et le mythe, et oui, la patrie, la nation, et tout ça. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Après, Tarq, il a la moitié du film pour lui. Et voilà, c'est le héros, je l'ai filmé comme un héros. Mais parce que c'est tout bête, mais j'avais à ce moment-là, c'est naïf, mais j'avais besoin que mes héros sortent de mes livres scolaire en fait, et de mes manuels scolaires. J'ai quand même grandi avec vraiment qu'est-ce que la révolution, et on a eu tous ces héros, on a été quand même nourris, gargarisés de ça, et puis moi j'avais besoin d'avoir mes héros dans ma vie, j'avais besoin de les voir, de les rencontrer, de savoir qui ils étaient, comment ils se battaient, pourquoi ils se battaient. C'était important de voir une Algérie encore debout, et malgré tout ce qu'on pouvait dire de cette mollesse, de ce pays qui ne bougeait pas, c'était faux. C'était faux, le pays bougeait. Il y avait, statistiquement, pendant cette année-là, 2011-2012, il y avait une émeute par heure. C'est-à-dire qu'il y a eu 29 000 émeutes pendant toute une année. Donc, dans chaque petit coin, à chaque fois, il y avait eu des gens qui étaient là, qui se révoltaient. Et c'était très, très important. Pour moi un témoignage de touristes actif, j'espère, quand je vais en Algérie, c'est que bon, en achetant la presse francophone, on trouve que ça. Enfin, il y a les pages politique générale, et ensuite on a des pages entières avec tel village qui a bloqué la route parce qu'il n'y a plus d'eau, que ceci, que cela. Les questions de logement qui sont un élément très, très, très grave, etc. Donc c'est ce que nous disait Tariq Tedia dans la discussion de son film, en disant, mais L'Algérie, c'est des révoltes partout, tout le temps, et ça sortira bien un jour quelque chose. C'est la même conviction. Moi, je le pense. Après, il y a toute la partie des immolés qui, pour moi, était très importante parce que, voilà, il a suffi qu'un homme s'immole en Tunisie pour que ça... Même si ce n'est pas aussi simple que ça, ça serait naïf de le croire. Mais en tout cas, tout ce que ça a pu déclencher dans tous ces autres pays. En Algérie, on était à une immolation, deux immolations, trois immolations. On était à 150. Voilà, et au final, à chaque fois qu'il y avait une manifestation, bon, ben, on ramenait un camion de pompiers pour éviter que quelqu'un s'allume. Et c'était tragique. Et du coup, la seule manière que j'avais d'en parler, j'y ai longuement réfléchi. Est-ce que j'allais rencontrer des gens? C'était possible hein, aussi d'aller voir des témoins, des familles. Et je me suis dit, non, il suffit juste de les citer. Voilà, de dire que telle personne, telle personne, telle personne. Et puis, de toute façon, ça continue. Ouais. Voilà, le choix est juste, hein, parce que c'est très fort. C'est très fort. Et alors, donc, ta art, lui, c'était l'évidence depuis le départ. Oui, parce que effectivement, j'ai vu les vidéos de tous ces gens-là avant de les rencontrer, ouais. Hein, que ce soit les médecins, donc Tahar le premier, ou bien Tahar. Et puis, il avait un tel charisme, c'était évident que ce serait lui. Comme... En tout cas, c'est avec lui que j'ai eu envie de passer du temps. Ouais, les autres, on a discuté, on avait donc des entretiens, mais avec lui, j'ai eu envie de passer du temps, de le regarder vivre, Et d'ailleurs, je me suis dit, c'est tellement court, il faudrait passer une année avec lui, de le voir se déplacer comme ça, non-stop. Et d'ailleurs, pendant le tournage, je me suis souvenue du livre « En un combat douteux ». Et pour moi, c'était ce héros qui allait comme ça de petite ville en grande ville, et puis pour réveiller un peu les consciences et de leur dire, bon, ben allez, il faut qu'on se réveille, il faut faire des choses. Et c'est lui qui fait l'enchaînement sur les immolations et le suicide à partir de l'histoire de son frère. Ouais. Donc c'est assez extraordinaire parce que ce militant absolu, enfin extraordinaire, il se confie aussi d'une manière intime complètement et le drame qu'il a vécu et qu'il continue de vivre. Mais en fait c'est ça, c'est que c'est pas tout ce qu'il dit. Qui pourrait être un discours vraiment militant et très bien rodé et tout ça, a toujours un ancrage dans sa réalité. C'est quelqu'un que j'ai trouvé d'une extrême cohérence, en fait. Et c'était toujours en lien avec sa réalité. Quand il me dit, à la fin du film, voilà, moi qui suis enceinte de 7 mois, quand même, bien, bien enceinte, quand il me dit, moi, je ne veux pas avoir d'enfant, je me suis dit, bon, parce qu'en plus, c'était difficile de le ramener, de le sortir du discours vers la parole. Ça a été, tout le temps, il fallait le ramener à la parole. Parce que bon, il a l'habitude, c'est un orateur, il a l'habitude des chaînes de télé, des caméras, de l'auditoire. Et je me suis dit, bon, encore, il est là à me bassiner avec ses généralités. Oui, moi, j'en connais plein, des gens qui ne veulent pas se marier, qui ne veulent pas avoir des enfants. Et finalement, non. Voilà, plus il avance dans ce qu'il dit, plus il a raison. Juste parce qu'il dit, voilà, je veux que mes enfants grandissent dans un milieu propre. Juste ce mot propre. Et je regarde autour de lui et je me dis, voilà... Un appel à la dignité. Ça ne va pas plus loin. Il veut juste que si jamais il met des enfants au monde, il veut que ses enfants grandissent dans un milieu digne. Et vraiment, je me suis reçue une gifle à ce moment-là. Et c'est toujours comme ça avec lui. Voilà. Il y a son discours, il y a toute sa pensée politique qui est toujours ancrée dans sa réalité. C'est jamais quelque chose d'importé ou de... Non. C'est toujours complètement, entièrement lui. Et en ça, moi, je crois que c'est vraiment une des personnes les plus cohérentes que j'ai rencontrées. Même s'il dit qu'il est fou. Il dit, c'est mes copains, parce que voilà, moi, et comment faire? Enfin, mais je comprends. Après, oui. Après, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on porte tous des contradictions, on porte tous des... Alors, avant de vous laisser encore poser les questions, je voudrais revenir sur la forme. Et ce qui fait le... Alors, est-ce que ça fait le lien, passage? C'est le parcours à travers l'Algérie qui est important et qui, en plus, donne lieu à des images impressionnantes, enfin, vraiment très, très belles et qui, justement, partent aussi vers le rêve. Enfin, c'est le point un peu par lequel l'idée de rêve revient en permanence et que, en même temps, ça donne l'impression aussi d'une quête que tu fais et tu parcours pour aller chercher la vérité, etc. Et donc, comment ça s'est dit décidé tout de suite ce travail sur la route, sur les surimpressions, sur... Les surimpressions, non, pas du tout. Ça, c'est venu à la toute fin. Je crois que c'était la dernière semaine de montage. Mais la route, oui, dès le départ. Et plus on avançait, plus je regardais ce petit cadre-là. Quand on filmait la route, plus je trouvais ça hypnotique. Et d'ailleurs, si j'en avais mis beaucoup plus, hein, mais je me suis dit, bon, il faudrait peut-être se calmer sur la route. Mais vraiment, pour moi, c'était très, très hypnotique comme image, c'est cette route qui défile. Et puis, ce pays immense où tout est à construire, en fait. Souvent, les images de route, c'est quand même des lieux assez déserts où il n'y a pas de construction et où tout est possible, tout rêve est possible. Et j'avais, moi, ce sentiment, et je l'ai toujours, que cette terre n'attend que ça, qu'on la construise. Et puis... Et en même temps, voilà, qu'est-ce qu'elle nous permet aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle permet à ses enfants de faire? Et puis, je voulais vraiment que cet espace soit un espace mental et qu'il soit offert au spectateur, qu'il puisse, lui, se raconter l'histoire qu'il a envie de se raconter. C'est un peu l'équivalent du noir chez Sandra. Voilà, enfin, c'est-à-dire que... De penser aux autres images à partir de... C'est aussi bon de pouvoir aussi laisser ces moments où soit on est là à intégrer ce qu'on vient d'entendre, ou alors on voyage, on passe à autre chose. Et après la surimpression, c'est que j'arrivais pas à comment matérialiser ce rêve et qu'est-ce qu'on fait de nos rêves, parce que c'est tout le fil du film, hein. On commence avec ce rêve, ce cauchemar, et puis le premier tatar qui va vivre ses rêves ailleurs, le poète qui enterre ses rêves, et puis le dernier qui ne s'autorise pas à rêver, en fait, celui qui est dans la lutte tout le temps continuelle, qui n'abandonne pas. Mais il fallait que, voilà, qu'on soit dans quelque chose qui soit à la fois beau, à la fois dur, mais en même temps qui laisse la possibilité à... Et donc ça, c'était une prouesse de Caroline, quoi, la monteuse, à qui je dois beaucoup, parce que j'avais beau lui parler, et puis à un moment donné, elle m'a dit, tiens, viens, on essaye quelque chose, et ça a très très bien marché. Parce que ces plans, en plus, je les voulais, hein, ces plans de mer. Il fallait à tout prix qu'ils soient dans le film. Et une fois qu'ils étaient sur la route, eh ben, ça disait tout, en fait. Voilà, ça... Mis les uns après les autres, ça marchait pas aussi bien que les uns sur les autres, et là ça donnait une identité au film, en fait. Et c'est elle qui a eu l'idée. C'est elle qui a eu l'idée. Ça, je lui dois beaucoup. Je lui dois énormément. Oui. Oui, alors donc j'ai deux questions sur la réalité politique. Qu'est-ce qui fait que apparemment on est passé d'une année avec des émeutes toutes les heures, ou je sais pas combien. Et maintenant, qu'est-ce qu'il en est? Et qu'est-ce qui aurait fait que ça a changé, apparemment? J'entends plus parler d'émeutes. Alors, il y en a toujours. Je ne pourrais pas répondre avec la même précision, parce que je suis dans autre chose et que là, je faisais un travail très minutieux. Donc, c'est quelque chose que je suivais régulièrement. Maintenant, bon, bah, la grève des médecins que j'avais filmée en 2012, elle s'est reproduite il y a quelques mois. Ils sont quand même sortis de 7 mois de grève énorme, qui était très, très long. Et puis même... C'est-à-dire que bon, on sait très bien que 3 jours de grève, c'est dur à tenir. Une semaine, c'est dur. 3 mois, c'est dur. Mais 7 mois, c'est juste énorme. Enfin, et il faut y arriver, quoi. Bon, le mouvement des chômeurs, ça s'est plus ou moins effrité ou pas, parce que ben, y a eu des politiques d'emploi qui ont été mises en place. Parce que très concrètement, il y avait 45 000 chômeurs dans la ville de Douarglas, ce qui est rien. C'était possible d'endiguer le chômage de façon très simple. Bon, donc plus ou moins, il y a des politiques qui sont mises en place, donc on va dire que c'est réglé plus ou moins, mais ça reste, encore une fois, c'est ce que je disais hier, c'est que les dernières manifestations qu'il y a eu, il y a des appels à manifestation, là où ça prend toujours le plus et le mieux, c'est à Douarglas. On a des milliers, des milliers, des milliers de jeunes qui sortent, qui prennent la rue de manière pacifique. Et donc, très concrètement, ben voilà. Qu'est-ce qui fait que... Mais il y a toujours des révoltes ponctuelles. Ah ben oui, non. Ça continue les gens continuent à se battre. Hein, ça n'a pas changé. D'autant plus que voilà, il y a le cinquième mandat ou pas qui se pointe ou pas. Donc il y a des gens qui disent clairement leurs opinions, qui essayent. Enfin, il y a un mouvement Mouatana qui voit le jour. Donc c'est pas... Comment vous dire? Le pays n'est pas endormi. Et ce que vous dites là, c'est exactement ce qu'on disait il y a 5 ans. Oui, il y a le printemps arabe partout dans les pays arabes, sauf en Algérie. Et au niveau de ce que j'ai appris, là, c'est sur la non-violence, hein, cette maturité politique qui apparemment amorce un mouvement collectif sur la non-violence, autour de la non-violence. Je l'espère, ça je l'espère. J'espère vraiment qu'on ne va plus replonger dans la violence. Par contre, est-ce que ce n'est pas trop personnalisé? Est-ce qu'il y a un mouvement collectif qui commence à s'amorcer ou c'est uniquement quelques personnalités un peu isolées? Parce que, bon, du point de vue international, il y a des mouvements qui auraient intérêt d'ailleurs à se coordonner, y compris... Je ne sais pas qu'est-ce qui va faire qu'un peuple va tous se soulever comme ça ensemble, et puis il y a des disparités, je pense, idéologiques, politiques, chacun voit les choses comme il l'entend, mais ce que vous suggérez, bah forcément, ça n'a pas lieu pour l'instant, et puis est-ce que c'est vraiment ce par quoi l'Algérie doit passer? Je ne sais pas, je ne peux vraiment pas répondre à cette question. Après, les médias sont... Enfin, je me méfie de plus en plus des médias, honnêtement. C'est les images qu'on peut véhiculer d'un pays ou d'une situation politique sont très, très, très souvent erronées, très souvent. Honnêtement, c'est... C'est-à-dire que l'Algérie, c'est d'une complexité très, très grande. Et l'image qui en est donnée dans les médias ici en France est d'une simplificatrice... C'est très réducteur, et puis c'est... Qui ne rend pas compte absolument pas de... De ce qu'il y a, on dit, bon, je vais un emprunt débat d'hier, c'est une dictature militaire. Je dis non, c'est pas les militaires qui ont le pouvoir. Les militaires sont liés totalement, depuis le départ, au pouvoir. Ils en participent, ils en sont le socle. Mais c'est pas eux qui gèrent, ils gèrent le pétrole. Et c'est pas eux qui gèrent la politique du pays directement. On a viré des dizaines de généraux, etc. Franchement, bon. C'est très opaque. Hein, Et donc, il y a un système de pouvoir absolument opaque que personne n'arrive à décrypter, qu'on ne peut pas... Et donc, il faut regarder ça avec toutes les informations qui viennent en disant qu'elles sont forcément simplificatrices. Et surtout, elles font l'impasse sur... Comme il n'y a aucun élément fédérateur des révoltes, hein. Il n'y a aucun élément fédérateur. Le syndicat, et c'est un appareil d'État, l'UGTA. Mm-hmm. Les partis d'opposition, c'est des hommes qui cherchent à se positionner, etc. Mais il n'y a aucun mouvement de... aucun parti de masse. Après, pardon, hein, je te coupe, mais... Si je commence, en plus... Mais ce que je pense, mais encore une fois, ça n'engage que moi. Et moi, je me suis toujours positionnée dans ce film en tant que citoyenne. Et rien de plus, c'est-à-dire que j'ai aucun bagage pour pouvoir avoir un discours d'expert, vraiment. Je parle en tant qu'Algérienne lambda qui vit à Alger. Vraiment, je pense que la réussite de ce système, c'est d'avoir justement cassé cette citoyenneté. Et tout le film ne dit que ça. Des personnes qui essayent d'advenir à un statut de citoyen. Moi, je crois qu'on en est là aujourd'hui. Et c'est une construction qui se fait, enfin, quand on sait l'histoire qu'on a eue. C'est énorme, quoi. C'est énorme. On est sorti d'une colonie de peuplement qui n'est pas rien. On a eu quand même 50 ans de système politique qui est ce qu'il est. Ben, les choses en sont là où elles ont à être, je pense. Et puis on avancera. On avancera. Il y a des hommes, il y a des femmes qui réfléchissent, qui pensent, qui essayent, qui construisent, qui... Ils sont peut-être pas très nombreux, ou alors ils ont peut-être pas la possibilité de le faire. Mais voilà, il y a des îlots qui existent, qui sont là, qui sont porteurs, et au-delà d'être porteurs, qui donnent des fruits, quoi. Donc, voilà, je ne peux que m'inscrire dans ça. Comme je l'ai dit hier, je ne peux que être dans ça. Oui. D'abord, j'étais devant un dilemme. Me fallait-il voir d'abord le film et à participer à une réflexion un peu sur le sujet, ou alors plutôt faire l'inverse, participer d'abord à une, hein, donc subjectivement, et sans savoir où ça pouvait me mener dans cette discussion, j'ai fait le choix de ne pas voir le film d'abord. En plus, ça ne passait pas ici. Quand je suis un piéton depuis pas très longtemps. Donc, bon. Le problème, je suis entièrement... Moi, si j'interviens, je suis un peu vieux jeu, d'autant que je suis l'ami de son père. Et quand j'ai vu le nom, comme c'est une très grande famille honorable de Constantine, Ibn Cheikh Rifkoun, et son père, nous étions amis depuis l'enfance, puisqu'on est du même quartier, Badhar Ben Sherif. Et puis, nous avons tissé de nouvelles relations après ce qu'on appelle, entre guillemets, l'indépendance. Parce que les Algériens, auparavant, cherchaient la liberté. Ils ont obtenu l'indépendance. L'indépendance étant un concept plutôt politique, parce qu'il est lié à un nationalisme. Et le nationalisme, il n'est pas éphémère. Il est... Bon, la liberté, c'est plutôt un concept philosophique. Nous tournons toujours autour de sens philosophique. Qu'est-ce que la liberté? Depuis l'Antiquité grecque jusqu'à présent, et c'est pas avec les dirigeants actuels et leur inculture, et plutôt leur manipulation idéologique, qu'on trouvera une réponse à cette question philosophique. Moi, je reviens à cette histoire. Avec son père, je parle de son père puisque c'est sa fille qui est là, nous avons été des militants dans la clandestinité. Mais en tant que militants, nous faisions partie plutôt de la francophonie, pas de l'arabophonie. Hein. Parce que les deux langues véhiculaient des choses. D'un côté, l'universalité, pas la nostalgie de la colonisation française, parce que la colonisation, c'est autre chose. C'est l'universalité. Il y avait en face de nous une idéologie sous-jacente qui, elle, se rattachait à un proche Moyen-Orient, etc., avec tout ce que ça suppose. Donc, les années 60, nous étions plutôt théâtre. Pourquoi? Parce que le théâtre, les auteurs du théâtre, Kate Gershin et consorts, c'était des francophones. Comme le pouvoir issu au lendemain de l'indépendance, mais la nature de ce pouvoir a été façonnée déjà bien avant, et surtout pendant la guerre d'Algérie, en deux temps, en 1957 et en 1959. En 1957, les USA cherchaient déjà à se substituer à la colonisation française, surtout pour le Sahara, sur les sous-sols, et pour la géopolitique méditerranéenne. Je vais vous demander de revenir au sujet. Il faut revenir au film, quand même. Oui. Si vous ne me laissez pas... Mais je vous laisse. Bon, nous, c'était le théâtre. Pourquoi? Parce qu'à côté, il y avait un cinéma apologétique. C'est-à-dire... qui traduisait le faux, c'est-à-dire une révolution. Moi, j'utilise pas le terme révolution parce que ça n'a rien à voir avec une révolution. Hein? C'était une guerre d'indépendance. C'est tout. Le pouvoir issu, la nature du pouvoir issu de ce processus, de cette trajectoire depuis la guerre d'Algérie jusqu'à cette infinitude de rébellion au quotidien depuis des années, des décennies, ça n'aboutit à rien. Il faut poser la question, pourquoi? N'est-ce pas? Pourquoi? Vous avez donné tout à l'heure un chiffre de 29 000... En 2012, c'était ça, 29 000. Bon. Pour moi, je me pose la question, pourquoi en Tunisie, il fallut un type qui s'immole du feu, à Sidi Bouzid, et en 15 jours, hein, il y a un dictateur qui est parti, qui s'est enfui, qui a pris la poudre d'escompette en laissant les lingots d'or derrière lui, les billets de dollars, vers l'Arabie Saoudite. C'est-à-dire que... et nous, cette rébellion qui est inhérente, effectivement, à la nature même des populations algériennes. Parce que pour moi, un peuple, ce sont des populations qui transcendent leur tribalisme, leur régionalisme, etc. En Algérie, à l'époque, ce que j'appelle pas, moi j'appelle pas ça colonisation française, j'appelle ça parenthèse française. comme il y a eu des parenthèses auparavant. Auparavant, c'était les Ottomans. Avant, c'était les Byzantins. Avant les Byzantins, c'était les Vandales. Avant les Vandales, c'était les Romains, les Gréco-Romains, etc. C'est-à-dire qu'au pouvoir, nous avions un pouvoir dans les années 60. C'était le règne de l'ignorance sur l'intelligence. C'est pour cela que ce que véhiculait le théâtre d'auteurs francophones, était un théâtre qui avait comme utopie de faire prendre conscience aux populations algériennes de savoir comment agir. Bon, l'apologétique du cinéma, le charbonnier, tout ça, là, c'est l'apologétique. Mais aujourd'hui, vous arrivez la souffrance à la conclusion. De ce peuple, les souffrances de ce peuple-là, pourquoi ça n'aboutit pas? Ça ne pourrait jamais aboutir, même si au-delà des 29 000 révoltes, il y aurait des millions de révoltes. Pourquoi? C'est parce qu'il y a une faille historique parmi ces populations, et je m'arrête là. Non, mais laquelle? Non, les historiens algériens, à commencer par ceux qui détiennent les archives, comme M. Harbi. M. Harbi était l'archiviste du FLN. Oui, non, alors là, vous repartez sur... on ne va pas y arriver, oui. Alors, c'est trop riche pour qu'on puisse faire le tour de votre analyse. La faille, je la résume en deux mots, tel que l'avait défini Ibn Khaldoun il y a quelques siècles auparavant. Quand il a fait les prolégomènes d'histoire, il parlait de la Tunisie, du Maroc, c'est-à-dire en tant qu'institution de pays à institution étatique historique. La Tunisie, le Maroc, Et puis à la fin, il dit, quant aux populations du Maghreb central, c'est-à-dire, ce pays n'avait même pas un patronyme historique. C'était un territoire peuplé de tribus composites, etc., qu'importe. Il disait, quant à ces populations du Maghreb central, il leur faut un État fort, ça veut dire qu'il n'y a jamais eu d'État fort, un État quelconque, il leur faut un État fort, mais avec une justice sociale. D'accord. En 62, on a abouti à moitié à l'application de la formule de Ibn Khaldoun, c'est-à-dire un État fort, mais accompagné d'une injustice sociale. Ok. Bon. Un mot, deux mots, Baya? Non. Est-ce qu'il y a d'autres questions à Baya? Et puis ensuite, on va passer à... Est-ce que votre film est diffusé d'une manière ou d'une autre en Algérie? En Algérie, non. Non. Voilà. Non, mais je ne dis pas dans le cinéma central, mais par les réseaux sociaux. Justement, je pourrais choisir de le passer, de mettre sur Internet, mais pas pour l'instant. Parce que ça voudrait dire le tuer en festival, parce que les festivals ne prennent pas les films qui sont sur Internet. Et puis bon, je sais pas, moi je me dis peut-être que cette non-autorisation, que je vais finir par avoir l'autorisation d'ici une année ou deux, et puis on verra bien. Il est déjà programmé dans d'autres festivals? Oui, là, c'est-à-dire qu'à l'international il circule très bien, ce que je disais en Afrique, c'est un film vraiment qui fait beaucoup de pays et tout ça. Il est passé à Marseille au festival de cinéma méditerranéen. Marseille, il y était. Voilà, il est passé en Italie, il est passé en Espagne, à Munich, à Dogfest, donc en Allemagne. Bon, sinon en Afrique, donc Tunisie, Burundi, Congo, Cameroun, Côte d'Ivoire. Là, je vais à Johannesburg. Donc non, c'est un film qui est relativement... Ça marche bien, et donc bon, moi je suis contente. Après, voilà, pour l'instant, en Algérie, ben, il n'a pas eu le visa culturel, donc on n'a pas pu le projeter lors des dernières rencontres cinématographiques. Et ce qui implique que je ne suis pas en droit de le passer. Voilà. Juste une question sur les archives de la grève, enfin de la révolte du milieu médical et oui. Après des chômeurs. Vous les avez obtenues par le journaliste dans le film? Non, pas du tout. Elles sont libres d'accès. C'est les gens qui filment eux-mêmes et puis qui mettent sur Internet. Et puis bon, il suffisait de retrouver les gens qui avaient filmé. Il suffit d'avoir un compte, de réécrire et puis... Oui, parce que la caméra voilà. Bougeait beaucoup. C'est des téléphones, vivant, hein, c'est, ouais. C'est des téléphones. Voilà. C'est des téléphones portables. Après, Talre, par exemple, c'est lui qui m'a donné ces images. Donc, il me les avait filées et puis voilà. Vous voulez encore parler? Allez-y, une question. Si vous me l'interdisez, je vous dis poser une question. Comme je disais tout à l'heure, que le cinéma apologétique de l'époque, il y avait un film et un auteur. Donc un réalisateur, c'est Tahia Yadidou de Zinat. Je présuppose que vous l'avez vu quand même, ce film. C'est l'exception, c'est-à-dire... Oui, non mais s'il vous plaît, on l'a présenté, Tahia Yadidou, ici à Apt. Hein. Et donc, si vous avez la question, vous la posez, simplement. Oui, ça dépend. Écoutez, toute interrogation, ne n'obligez pas les gens à la poser telle que vous concevez, vous, votre porte. Non, je ne conçois pas. Non. C'est juste que je dois gérer le temps. Le problème, justement, je dois gérer le temps. Ce n'est pas les réponses. C'est justement les questions qui se posent depuis toujours. Bon. Et auxquels les Algériens eux-mêmes ne trouvent toujours pas de réponse. Avec tout le respect que je dois à ceux qui... C'est pourquoi je fais la différence entre Tahia Yadidou et elle, parce que elle, c'est une génération... Moi, je ne sais pas ce qui se passe dans la vie. Je sais que ce n'est plus le cinéma apologétique. C'est un cinéma qui se cherche ou qui va à la recherche de quelque chose, qu'importe. Par exemple, le phénomène de groupe des stades, par exemple, Constantine a été la ville la plus rebelle depuis toujours. C'est Saint-Neuf. C'est les supporters du club, le CAC, qui, en 1985, le stade, le jour du match, posait tous les problèmes politiques de l'Algérie. Alors, la question, s'il vous plaît. Oui, c'est intéressant, mais... Non, on est parti pour une demi-heure encore. Bon. On en discutera. Non. On en discutera dehors, si, avec plaisir. Ce que je voulais. Allez-y. Je voudrais te voir tout à l'heure pour que tu me transmettes le pareil. C'est un sans commentaire. Bon, voilà. Alors, est-ce qu'il y a une dernière question? Abaya. Dans le film, je n'ai pas noté l'auteur, on m'a posé la question hier soir, je suis désolée. Il s'appelle Slimane Ben Issa. Et la pièce, c'est Babor Al. Alors la pièce Slimane Ben Issa. Ouais. Et la pièce, donc, c'est Babor, B-A-B-O-R. Ghalq, G-H. R-A-Q, je crois que ça s'écrit comme ça. Babor Ghalq. Ok. Mais il suffit de taper Slimane Ben Issa et puis... qui est un des voilà, y a les 10 très, minutes, très grands acteurs de théâtre. Il y a les 10 minutes qui vont apparaître. Bon. Donc, il n'y a pas d'autres questions à Abaya. On s'arrête avec elle. Merci. Et merci. Merci. On a de la matière. Donc, je signale... Je signale que le film de Baya repasse demain soir. Oui. Ce soir ? Ce soir à Cucuron. Ah, ce soir à Cucuron. Et demain soir à ici. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous pouvez faire du bouche à oreille. Pour ceux qui l'ont vu, vous faites du bouche à oreille. Bon, alors, s'il vous plaît, si vous discutez, vous pouvez le faire dehors aussi. Si vous l'engagez une discussion. On va se mettre dehors. Voilà, vous nous quittez. Écoutez. Je vais vous dire une chose. Oui. Non. La dictature militaire en Algérie, elle le sait. Oui. J'ai même occupé un espace journalistique de force. Et j'ai un frangin qui a reçu 4 balles dans la tête. Et moi, j'ai échappé plusieurs fois. C'est un bonus que je suis en train de vivre. Et là-bas, on ne m'a pas interrompu. Mais on ne l'a pas interrompu. Ça, c'est pas juste. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. J'espère que... S'il vous plaît, non, les deux qui parlaient, si vous voulez, vous pouvez ou arrêter ou parler tous les deux dehors. Mais on ne peut pas faire vivre la réunion si... Il y a des conversations. On vous laisse en famille. Non, il faut pas dire oui, ça. Oui, il faut pas dire ça. Arrêtez de vous penser victime. Tout ce film montre le contraire. Tout seul sur qui les victimes expiatoires, c'est fini. Non, moi, je pense que c'est intéressant, monsieur. C'est vrai que moi, ça m'a intéressé beaucoup. Oui, moi aussi, le monde. Mais malheureusement, effectivement, c'est peut-être pas le jeu. Attendez, on va se retrouver, monsieur et moi, puis c'est moi qui présente le film de Baïa demain soir. Et dans le débat, j'imagine que, sauf si ma présence l'interdit par lui-même, qu'il aura l'occasion de revenir sur ces sujets. Mais non, mais c'est très intéressant. Oui, oui, c'est intéressant. Il ne faut pas qu'il joue les négatifs. Bon, ça y est, le calme est revenu. Madame, le calme est revenu. Voilà. Merci. Bon, et donc... Bon, la dictature est revenue et je l'exerce. J'essaye de l'exercer. La démocratie, c'est difficile. Donc, on en vient au film Le Verrou de Hélène Potté, qui était le premier film. Quoi ? Et Hélène Potté et. Laïla Chaïbi. Oui. Je ne peux pas me souvenir des noms propres. Il faut que je les note et. Bon, alors Le Verrou, c'est un film tout de même très, très particulier sur un sujet, enfin un point de départ très, très particulier, qui est le tasfir, qui est une tradition plus ou moins perdue ou plus ou moins pratiquée, on ne sait pas très bien, de fermer l'hymen et de fermer le... psychologiquement d'ailleurs, puisque c'est pas une ceinture de chasteté, la femme, et de la protéger de l'agression possible de l'homme. Et finalement, moi je me suis posé la question en voyant le film, c'est que ce qui m'a intéressé dans le film, c'est évidemment les paroles de ces trois femmes, qui sont formidables, enfin elles disent des choses dramatiques, et le rapport avec le tasfi ne semblait pas toujours, enfin il était un point de départ, mais donc j'ai eu l'impression que le film, du fait de la richesse de ses paroles, se retrouvait dans une certaine indétermination de son sujet. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont réagi en disant oui, finalement ce film pose la question, présente des femmes qui ont souffert, se trouvent devant une domination masculine qui leur a occasionné toute une série de blessures et dont elles voudraient échapper. Et quelqu'un dit, oui, mais ça donne l'impression que les femmes ne peuvent pas vivre leur sexualité, alors que, moi, tunisienne, je peux en témoigner de beaucoup, on vit... On peut aussi très bien vivre notre sexualité. Et on peut très bien vivre comme femme. Et donc, je pense que c'est un peu ce que j'appelais un peu cette indétermination qui fait que, avec les récits, le film aborde d'autres territoires et donc, du coup, se pose sur un sujet global qui est celui de la position, de la situation de la femme en Tunisie. Alors, est-ce que vous avez répondu à cette question. Je voudrais qu'on revienne sur ce point. Alors, surtout moi, en vous écoutant, en fait, j'ai l'impression que toutes les phrases, j'aurais des choses à dire. Alors, je vais essayer de me résumer. En effet, alors, je ne sais pas en plus qui l'a vu. C'est un peu compliqué, vous n'avez pas vu. Moi, je ne l'ai pas vu. N'hésitez pas à poser des questions si parfois ce n'est pas clair quand on ne l'a pas vu. En tout cas, en effet, donc, alors, pour présenter quand même, sinon c'est compliqué de comprendre, le Tassphère, c'est un rituel magique de la protection de la virginité des femmes avant le mariage. C'est vraiment une histoire de femmes. C'est fait par les femmes sur les fillettes avant la puberté. Mais là, on est vraiment dans... Il n'y a pas d'intervention physique. C'est des phrases à répéter. C'est de la magie, c'est de la psychologie. On met un peu les mots selon notre culture et notre vision des choses. En effet, pour nous, c'était un point de départ pour se poser la question de déjà quand... une société impose un acte aussi fort sur le corps des femmes, comment, quand on n'est pas libre déjà dans son corps, on peut l'être dans les différentes sphères qui sont l'intimité, la famille, le quartier et la société en général. D'où, en fait, c'était très juste quand vous disiez que c'était un point de départ, c'était aussi un fil conducteur. Mais pour nous, c'est un petit peu comme quand on fait un ricochet, on jette un caillou, puis il y a plein de sphères autour. En fait, nous, le film, en tout cas, c'est comme ça qu'on a voulu le construire. Et c'est pas du tout un film sociologique, ethnologique sur ce rituel, pas du tout. Pour nous, c'est vraiment une entrée. Ensuite, sur la domination masculine, donc sur une société patriarcale, etc., justement, on raconte aussi autre chose. C'est que... c'est transmis par les femmes, en fait. Et donc, pour nous, c'est une autre question qui était venue. Est-ce que, par exemple, c'était en lien avec la religion ? Donc, non. Mais par contre, c'est là où toutes les sphères se rencontrent aussi, c'est que le point de départ de ce rite, quand même, c'est le culte de la virginité des femmes. Et donc, là, se mélange la tradition... la culture, la région, tout ça. Mais bon, tout ça est émouvant, mais finalement, ce qui est important dans ce qu'on voulait nous raconter aussi, c'est cette transmission par les femmes. Et donc, toute cette schizophrénie, toutes ces contradictions entre ce que chacune, elle, mais chacun peut-être d'entre nous, on peut dénoncer et en même temps transmettre, et comment tout ça, c'est complexe, en fait. Donc ça s'inscrit en effet dans les dominations. Les hommes, on les a pas du tout suivis dans le film, mais en même temps, on ne les voit pas, mais en même temps, il y a un monsieur d'ailleurs qui m'a dit ça après, ça m'a touchée, il m'a dit, mais en fait, ils sont aussi très présents dans... Bon. En tout cas, c'était aussi cette question de se dire de la responsabilité, je ne sais pas si c'est le mot juste, mais comment c'est comment les choses elles s'inscrivent dans un système, voilà, dans un système où hommes et femmes vont contribuer à ce système. Et ensuite, vous finissiez justement sur les femmes, que ça parlait plus des femmes en Tunisie, et c'est là où finalement je répondais que il y a toujours en plus, alors je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est dans d'autres pays aussi, mais il y a toujours cette histoire de la femme tunisienne. En fait, déjà, le concept en lui-même, moi, je ne le comprends pas. Et on ne fait surtout pas un film sur la femme tunisienne. Si on avait suivi trois femmes en France, on n'aurait pas fait un film sur la femme française. et c'est vraiment quelque chose... Après, c'est vrai que donc, parfois, il y a cette réaction que j'entends de « je suis tunisienne et je ne me reconnais pas dans ce film ». Et il n'y a pas de problème, en fait. Nous, on fait un documentaire et on décide de parler d'une thématique et avec un regard, et c'est un petit regard, une petite loupe sur... Et autre chose, en fait, il y a toute une mosaïque de plein de choses, avec plein d'autres films qu'il y aurait à faire, mais nous, en tout cas, on propose celle-ci. Et en tout cas, on compte aussi sur l'intelligence du spectateur qui sait qu'on ne parle pas de toutes les femmes tunisiennes, mais qu'en tout cas, ces femmes tunisiennes existent. Et surtout qu'elles n'ont pas souvent la parole, c'est-à-dire qu'on n'est pas... On aurait pu aller voir des militantes tunisiennes, il y en a plein, elles sont formidables, il y aurait de très beaux films à faire, mais ce n'est pas le choix qu'on a fait, on est allé voir des femmes qui sont notamment, parce que c'est pareil, je voulais pas du tout faire une généralité qui pourrait faire croire que ce rite est fait que dans les quartiers populaires, ce n'est pas du tout le cas, mais on est allé notamment dans des quartiers populaires où il n'y a jamais de caméra qui rentre, en fait. Donc, ces femmes ne s'expriment pas. Donc, quelque part, nous, on avait aussi envie, à un moment donné, que, en fait, ces femmes qui ne s'expriment pas, s'expriment autour d'un sujet qui est extrêmement tabou, parce que ce rite, c'est pareil, on n'en parle pas. Nous, quand on est arrivé, en fait, au début, quand on a voulu faire ce film, on nous a dit, ça n'existe pas à Tunis, en tout cas, ça n'existe plus. Ça va être dans les régions reculées, les campagnes et tout. Quand on est arrivé à Tunis pour les premiers opérages, j'ai travaillé sur le sujet. En fait, on a rencontré plein de femmes à Tunis qui étaient concernées. Mais sauf que, et c'est pareil, je ne dis pas du tout que toutes les femmes sont concernées, mais en tout cas, il y en a à Tunis. Donc, en fait, c'est-à-dire qu'il y a quand même un sacré tabou autour de cette question. Et que quelque part, nous, on a eu envie de parler de ça, et que bien sûr, après, il y a plein d'autres histoires autres. Je ne sais pas si j'ai répondu à cette question. Tout le monde, ce n'était pas une question, c'était un fragment de choses. Mm. Mais je ne sais pas si ça va pas déplaire à Baya, puisqu'elle a fait un film sur des jeunes filles, jeunes femmes. Jeunes et moins jeunes, oui. Oui. Bon, ah oui, Zahia, elle avait 62 ans, donc ça lui fera plaisir. Sans doute, j'ai été plus attentif aux jeunes. Et sur la question de leur position dans la société, la question du rapport et du regard des hommes, et le rôle du voile comme protecteur ou... Libérateur, et c'est un peu la même question que vous posez, que le tasfir est un élément d'autonomie de la femme. Alors, en tout cas, sur l'histoire juste de la protection, c'est vrai que toute l'ambiguïté aussi est, par rapport à ce rite, que les femmes qui le font pour protéger donc leur fille. Et tout à l'heure, vous disiez en effet les protéger des hommes, mais en fait, c'est de les protéger de deux choses, de leur propre désir. Oui, et en effet, c'est ça là où ça pourrait être aussi dénonciable, c'est que finalement, à ce moment-là, c'est les protéger des hommes, on ferait le même amalgame de l'homme violeur. Donc tout ça, de toute manière, est assez complexe. Mais en tout cas, c'est vrai que c'était une des explications, pour en revenir par exemple à l'origine. On n'a pas vraiment d'explication très précise sur l'origine, mais en tout cas... Une des explications qu'on a eues, il y a eu très peu de recherches, mais il y avait une thèse qui avait été faite par une Tunisienne et qui expliquait qu'en fait, c'était notamment pendant la colonisation qu'il fallait protéger les filles du pays de ces hommes qui arrivaient de l'extérieur et qui pouvaient être des violeurs. Et aussi dans les campagnes, c'est ce que j'expliquais hier à un moment, que peut-être à la ville, en fait, on pouvait plus facilement séparer les hommes et les femmes, alors qu'à la campagne, à un moment donné, ils allaient tous travailler ensemble, enfin, les jeunes hommes travaillaient ensemble dans les champs, donc il fallait protéger... C'est dit à un moment, d'ailleurs. Tout à fait. Oui, Oudé l'a dit. Moi, je ne sais pas. Je veux bien intervenir. Moi, je suis très contente de vous entendre ce matin, parce que le film, ma réaction a plutôt été la même que celle de ces deux personnes, enfin cette jeune femme tunisienne qui est intervenue la première et puis l'autre un peu plus âgée après, et pour s'inscrire en faux, enfin, en tout cas pour s'opposer un peu à votre propos. Et moi, j'avais envie de vous poser la question, mais ce que vous dites là, il répond en partie. C'est quand vous dites on a eu envie de faire un film sur ce sujet. Et je crois que ce qui m'a manqué en voyant le film, et que vous donnez un peu maintenant quand vous en parlez, c'est pourquoi vous avez voulu faire un film sur ce sujet. Et que moi, je l'ai ressenti d'une manière qui mettait en lumière l'enfermement dans lequel se trouvent ces femmes, fabriquées par leur mère, par les femmes plus âgées, alors qu'à vous entendre maintenant, on pourrait aussi le lire comme un élément protecteur au sens positif du terme, parce que, évidemment, protecteur contre des violeurs éventuels, contre... Et ce qui pourrait être ce que, dans votre discours ce matin, on entend comme pouvant être un processus positif et accompagnateur des femmes et dans la maîtrise de leur propre sexualité, en fait, est perçu dans le film comme un enfermement fabriqué par les femmes. Je ne suis pas claire. Si, mais ouais. Je pense que ce que vous dites, c'est toute l'ambiguïté qui est racontée par Mabruka. Enfin, pour moi, en fait, c'est le personnage de Mabruka qui est vraiment là-dedans, qui est à la fois... parce qu'il y a trois générations aussi, donc. Oudé, qui est la plus jeune, Mabruka et puis... d'abord Fawzia et puis Mabruka, qui est la grand-mère. Et elle, elle porte toute cette ambiguïté, je trouve, parce que c'est à la fois une femme qui a un caractère très fort, et puis en même temps, si elle le fait, elle le dit, hein, que c'est pour protéger ses filles, elle le dit, elle explique vraiment comme ça, en tout cas. Après, que vous voulez... Ce qui manquerait, c'est comment les filles s'inscrivent et prennent leur responsabilité par rapport à cette histoire. Ce que la plus jeune fait un peu. Et du coup, ce qui m'a manqué, c'est ce que disait hier la deuxième personne, c'est votre point de vue sur tout ça. Et du coup, on est... Il y a Baya qui voudrait aussi intervenir dans ce point voilà. De débat. Moi, je l'ai vu en, je ne sais plus quand est-ce qu'il était passé à Genève, c'était il y a en février, quelque chose comme ça. Donc, je n'ai pas de souvenir très, très précis. Mais je me souviens juste qu'au sortir du film, voilà, j'avais, en tout cas, c'était une plongée dans quelque chose d'extrêmement complexe. Et ce qui était beau, ce qui était intéressant, c'est qu'il n'y avait pas de jugement de valeur dans « oui, il faut condamner, oui, c'est bien, non, c'est pas bien ». Vraiment pas du tout. Je me sentais dans... Voilà. Je connais cette pratique. J'avais des copines qui étaient quand on était petites et tout. Donc, du coup, je me suis dit « c'est vrai, finalement, bah, c'est intéressant ouais. ». Et là, en tout cas, moi, j'ai eu la lumière sur une pratique où que les femmes... subissent ou ne subissent pas, mais qu'elles reproduisent, qu'elles ne reproduisent pas. En tout cas, ce sont des comportements qu'on intériorise depuis des générations et des générations et des générations. Donc, ce discours un peu culpabilisant souvent sur « oui, ce sont les femmes qui font ça aux femmes », c'est très bien parce que je le retrouvais pas dans le film. Et en fait, j'avais des femmes qui... Après, je sais pas, le souvenir, je l'ai vu quand même, ça c'était il y a quelques temps. J'avais des femmes qui essayaient de mettre des mots sur quelque chose qu'elles vivaient et sans aller dans la psychologie, et cette approche très humaine, en tout cas dans vraiment, j'essaye de comprendre. Je trouvais ça très très intéressant. Maintenant, ce n'est pas sur la femme tunisienne parce que la femme tunisienne n'existe pas. Bien point sûr. Barre. Enfin, c'est qui c'est comme la femme. D'ailleurs, je voulais voilà, donc je parlais de la femme. Non, voilà. je citais. Et en fait, voilà. En tout cas, moi, je suis sortie de là, hein, avec quelque chose qui, au contraire, m'élargissait. Et puis, ce que je trouvais très beau, c'est ce que j'ai retenu, c'est ce rapport dans le respect absolu de tout ce que l'autre pouvait donner, pouvait dire, sans jamais voilà, avoir un jugement de valeur sur est-ce que c'est bien ou c'est pas bien. Et je crois que c'est plutôt par là que les choses avancent, c'est vraiment par cette tentative de compréhension. Après, les gens sont toujours dans ce désir de se reconnaître et avec lequel il faudrait arrêter. Quoi. Moi, ce que je trouve justement très intéressant, et pour le coup, ce n'est pas une question d'être tunisienne ou pas tunisienne, c'est justement toutes ces contradictions que portent ces femmes et qu'on retrouve autant en France. Et pour le coup, y compris dans le débat féministe, se posent ces questions-là, d'être à la fois en opposition, en victime et en reproduisant. Parce qu'on ne se libère pas de choses comme ça. Et moi, je trouve que c'est justement pas un film qui porte effectivement des jugements sur telle personne. On est dans un questionnement qu'on peut se poser, malheureusement, un peu partout dans le monde. Parce que pour beaucoup de femmes, alors pas avec des situations aussi violentes ou dramatiques, mais il y a toujours ce questionnement. Comment on se positionne? Qu'est-ce qu'on reproduit? Qu'est-ce qu'on ne reproduit pas? Comment y compris par rapport à des choses qu'on peut exprimer comme des violences vécues et qu'on exprime à un moment donné de sa vie et qu'on n'a pas forcément exprimé à d'autres moments où on les a subies et on s'y est pas opposé. Je trouve ça très très intéressant. Moi je l'ai perçu, voilà, c'est trois femmes de trois générations différentes qui ont vécu certaines choses et qui en parlent, alors avec ce type d'expérience, mais ça aurait pu être une autre pratique ou une autre expérience. Mais pour le coup, on a trois récits de vue avec des femmes riches, contradictoires. Voilà, on a pas de caricature, on n'a pas, voilà, moi je trouve, pas d'infirmière. Et la façon dont elles, justement, prennent la parole à un moment donné, elles la prennent, on leur donne la parole et elles la prennent pleinement. Et donc, on a des personnes d'une complexité très intéressante. Quoi. C'est vraiment... Ça, c'est quand même aussi un beau cadeau qui leur est fait, quoi, de leur donner cette ouverture. Enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça. Ah oui, non, mais ces femmes sont exceptionnelles, formidables. Mais justement, la question de la posée, c'est qu'elles nous emmènent très loin du tasfir. Et donc le tasvir est le point de départ, mais finalement, mais en fait, peut-être, c'est d'autres sujets qui viennent. Oui, oui, c'était notre narration, c'était notre problématique, et c'est vrai que, enfin, merci en effet pour votre retour, c'est parce que en écoutant Bayaz, tout ça fait que ça me perd, enfin, j'ai l'impression qu'il y a un peu les réponses, comme dire oui, mais on attendait un regard, ou quoi. En fait, nous, on a comment dire, moi, en tant que documentariste, en tout cas, je suis pas là pour apporter des réponses, mais par contre, j'aime beaucoup... En général, on part avec une question et puis on ressort avec beaucoup plus. Et en fait, moi, c'est ça qui m'intéresse de faire. Je crois que notre regard, justement, il est dans ce que vous avez dit, c'est-à-dire poser ses contradictions, poser des questions, poser une complexité. Et que déjà, je trouve, déjà, c'est pas mal, je me permettrais... Enfin, et on a voulu toujours avoir cette... bien sûr qu'on arrive aussi avec des idées plus préconçues, et ce qui est formidable, c'est que passer tout le temps ce temps avec elles, et ben ça nous les démonte, et c'est vraiment ce qu'on essaye aussi de mettre en avant. Et nous, dans le montage, en tout cas, on a toujours essayé de les montrer toutes dans un... Enfin, moi, je les ai vues comme des prismes, en fait, parce que je pense que c'est ce qu'on est, avec les contradictions. Moi, c'est vraiment ça que je trouvais important. Et c'est ça, pour moi, qui fait aussi l'universalité. Mmh. On a beaucoup travaillé là-dessus avec Laïla, sur le fait qu'on voulait que ça parle des deux côtés de la Méditerranée. Donc, la preuve que ça ne marche pas à tous les coups des deux côtés, mais bon, la plupart du temps, si, quand même. Et dans le sens où on voulait qu'en Tunisie, ou même dans les pays alentours où il y a des pratiques similaires, ou des choses qui leur parlent, il y ait une certaine justesse. En tout cas, nous... à l'issue des projections en Tunisie, il y a vraiment des femmes qui sont venues nous voir, justement, et on a vraiment eu l'impression qu'il y avait une espèce de tabou là qui s'était levé, mais en effet, le tasvir étant juste une porte d'entrée. Et puis aussi, justement, au-delà des frontières, sur des questionnements qui sont là très caractérisés par leur histoire dans une culture, etc., mais en fait, qui vont au-delà, et notamment sur... la question de la croyance, la question de la transmission et la question de la contradiction entre parfois ce qu'on dénonce et ce qu'on transmet. Et ça, pour moi, c'est vraiment une question importante, en fait. Alors, moi, je m'interroge beaucoup, ouais, parce qu'effectivement, ce film m'a heurté. Enfin, et qu'apparemment, je l'ai mal lu. Et je me demande c'est parce que j'ai... Oui, enfin, il m'a gêné à un endroit où, à vous entendre, vous n'êtes pas. Voilà. Donc, c'est que j'ai mal vu quelque part. Et je me demande si ce n'est pas le démarrage du film et la très forte dramatisation de l'image qui, en plus, est reprise, c'est idiot, hein, mais dans la bande-annonce du festival, avec cette petite fille sur ce coffre avec ce verrou, comme ça. Oui, moi, j'ai trouvé ça très violent, extraordinairement violent et dramatisé. Et moi, ça m'a impacté sur un long moment de visionnage dans ce film. En fait, c'est violent. Et du coup, il y a une espèce de stigmatisation, je trouve, qui est, pour moi, ça a fonctionné comme une stigmatisation de ces femmes, de ce rituel, etc., dont j'ai mis énormément de temps. Et finalement, c'est bêtement au moment où on voit le père d'une petite fille et la grand-mère, donc, qui explique qu'elle voudrait bien la protéger, mais que le père n'est pas d'accord. Donc on se dit, ah ben c'est un père qui est plus... Et là, tout d'un coup, il y a un élément qui éclaire tout à fait l'histoire. Mais moi, ça m'a mis du temps à... Deux choses. C'est que nous, en tout cas, notre propos n'est surtout pas de stigmatiser. Mais par contre, pour répondre par rapport à cette violence, mais c'est violent. C'est-à-dire qu'hier, il y a une personne qui disait, après j'ai discuté, disait, oui, quand même, c'est pas l'excision. Non, c'est pas l'excision, mais en fait, on n'est pas là pour comparer. Et la violence psychologique, on sait quand même à quel point c'est une violence. Donc oui, c'est violent. En fait... Alors que ça pourrait être un outil à l'inverse de... Elle me dit le mot. C'est quand même pour se protéger de la violence des hommes. Donc mais le problème, c'est aussi la violence des hommes. Mais la violence des hommes, c'est son propre désir. Je pense qu'il y a peut-être pour répondre d'une autre façon, en fait, c'est qu'il y a un décalage aussi avec ce qui se passe dans la jeunesse aujourd'hui. Et que, en fait, juste la jeunesse, la plupart du temps, ne s'y retrouve pas, en fait. Et que là encore, où il y a une autre violence qui est faite, j'en parlais aussi hier, c'est qu'il y a plein de jeunes femmes qui, et en Tunisie c'est vraiment pratiqué, qui ont une reconstruction humaine. Ouais. Donc en fait, moi par exemple, par rapport à ça, d'un point de vue justement extérieur, j'ai trouvé ça très violent. On a eu une discussion, on avait interviewé une sociologue, on a interviewé ce qu'on avait appelé des experts, qui finalement on les a pas mis dans le film, parce qu'on voulait vraiment rester avec ces femmes, et tant pis pour toutes les explications qu'on n'a pas, en fait. Et quand elle m'explique ça, parce qu'elle, elle suit des femmes qui notamment, en fait, soit qui font cette opération, soit, pour faire une petite parenthèse, en fait, ce blocage, le fait d'être impénétrable, c'est un nom scientifique qui s'appelle le vaginisme, et en fait, qui peut être dû à ce rythme, et qui peut être dû à d'autres pressions autres de la société. C'est pour ça que nous, c'est pas juste un film sur ce rythme, c'est sur un ensemble qui font qu'à un moment donné, les femmes peuvent être impactées, empreintes dans leur corps. Et du coup, j'ai perdu ce que je voulais dire. Vous parliez des opérations humaines. Voilà, et donc moi je me suis dit que c'était super violent. Je me suis dit, une violence de plus qu'elles se font. Et en fait, j'ai trouvé ça très intéressant, en tout cas la réaction de cette psychologue et sexologue qui m'a répondu, qui m'a dit, mais non, en fait, pour elle, c'est une... Elle s'offre, c'est qu'elle le vive comme une liberté. On a cette liberté-là. Et ouais. Et en fait, bon, on ne pouvait pas tout garder dans le film. Et c'est super intéressant juste de confronter des lectures différentes sur une même... Et même ça, je n'ai pas de réponse, en fait. Mais juste, c'est à nouveau une nouvelle contradiction. Et qu'on... Oui, en fait, pardon si je peux intervenir. C'est juste, enfin, je vous entends tous parler. J'ai une fille qui a 5 ans et demi. Et je me dis, moi, ma mère ne m'a jamais parlé de sexualité parce que ça ne se fait pas chez nous. Je pense que chez vous, ça ne devait pas se faire il y a si longtemps que ça. Mais voilà, c'est-à-dire que aussi, comment aborder la sexualité? Comment on en parle à sa fille? Comment on n'en parle pas à sa fille? Qu'est-ce qu'on met dedans? Qu'est-ce qu'on ne met pas dedans? Qu'est-ce que nos filles sont prêtes à vivre? Qu'est-ce que la société leur fait vivre? Comment les protéger de ça? C'est ça qui est intéressant. C'est ce que le film soulève, tout ça. Maintenant... On ne peut pas non plus, je pense, arriver avec qui on est, de là où on est, avec notre conception de ce qu'est mon corps, ma sexualité, et s'attendre à trouver ça quelque part en Tunisie, au fin fond de la campagne. Enfin, c'est juste impensable. Et donc, ce qui peut paraître extrêmement violent, au contraire, est une manière de disposer de son corps, de dire je fais ce que je veux. Après, à la fin, si on veut que ce drap soit immaculé de sang pour que ce soit la preuve de ma virginité, bon, bah, quitte à avoir mal 2 secondes, mais en tout cas, moi, je fais ce que je veux de mon corps, de ma vie. Du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est d'être vraiment bougé intérieurement de tous les regards qu'on peut avoir concernant sa propre vie, sa propre société, et qu'on ne peut vraiment pas aller les plaquer ailleurs, et on ne peut pas regarder l'autre société... avec notre prisme à nous, donc du coup, enfin, en tout cas notre grille de lecture à nous. Du coup, je pense que quand on fait un travail, déjà la première des choses, c'est nous-mêmes d'être, de faire en sorte que cette grille s'ouvre et bouge, et puis qu'on arrive à faire un film. Mais c'est dans ce sens où moi j'avais trouvé votre film très très intéressant, parce que ben voilà, il offre d'autres clés, voilà, d'autres pistes, et on voit les choses différemment. Excusez-moi, je dis qu'elles font ce qu'elles veulent, parce que plus fort, s'il vous plaît. Je dis, les femmes font ce qu'elles veulent. Il y a une telle pression de la famille sociale, quand on voit Sophia, hein, ce film-là, il y a une telle pression. Moi, je ne trouve pas qu'elles font ce qu'elles veulent. Moi, j'ai vécu en Algérie. Je pense que c'est pas ce que veut dire Maya. En tout cas, je sais qu'à la fac, mes copines à l'université, par exemple, je pense qu'à 99%, on n'était pas vierge, hein, avant le mariage. Oui, mais voilà, il y en a avec qui c'était ça, il y en a pour qui c'était simple. Il y en a qui allaient se payer cette reconstitution de l'hymen la veille du mariage. Et puis, mais c'est aussi une manière de se dire, je dispose de mon corps. Non, mais je réponds à une croyance. Parce qu'il y a une pression, sinon il n'y a pas de problème. Mais bien sûr que la pression est là, mais les pressions sont... La pression, elle est quelque chose. Oui, non, mais je ne sais pas. Alors là, on ne parle pas de ça. Est-ce qu'on dit un mot de ton film? Oui, parce que... Non, c'est très bien. Non, parce qu'on avait co-réalisé un premier film sur la question du voile, qui était, comme dans votre film, juste un prétexte pour aller en fait aboutir sur qu'est-ce que, en fait, comment on se construit en tant que femme et le rapport au corps dans une société qui est extrêmement pesante sur le corps des femmes. Et en fait, ce sont des corps qui sont très nouvellement, qui accèdent très dernièrement dans notre histoire, à l'espace public. Les femmes sont censées être à l'intérieur, les hommes sont censés être dehors. Et donc, comment on fait pour investir cet espace? Et du coup, voilà, moi j'étais partie avec l'idée que le foulard, voilà, c'est un étendard d'une idéologie, machin et tout. Et j'arrive là-dedans, je me rends compte que finalement, ben, ok, il y a de ça, mais pas que. C'est aussi un chemin de liberté. C'est dans ce sens où je dis que, à un moment donné, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tous aller faire la révolution, dire oui, à bas le patriarcat, vive la liberté. Enfin, ce n'est pas possible. Il y a des personnes pour qui c'est, voilà, on n'est pas élevé, on n'arrive pas à le faire. Donc, du coup, on trouve des chemins, voilà, pour arriver à vivre. Et c'est petit à petit, vraiment petit à petit, qu'on va arriver à quelque chose qui nous ressemble à nous, je pense, hein, qui ne ressemble pas forcément aux sociétés occidentales. Donc, c'est ça qui est bien, c'est que moi, je pense qu'on, voilà, on se cherche. Et le tout, c'est de... Le problème, c'est de ne pas venir prendre le modèle, voilà, le modèle syrien, le modèle libanais, le modèle français, le modèle américain. C'est d'arriver à se construire soi en qui on est et voilà. Est-ce qu'on s'arrête là? Oui, c'est très intéressant. Merci beaucoup. Peut-être que vous vouliez dire des choses encore. Non. Donc, bravo et merci. Merci. J'avais beaucoup aimé parce que je sors avec cette femme qui est...